هناك من يسأل عن كنية حمزة ابن عبد المطلب، فما كنيته يا ليث؟ أيوة، أبو من؟ حمزة ابن عبد المطلب كنيته ماذا؟ هو من بني من؟ من بني هاشم. نعم، من بني هاشم. وكنيته؟ أحسنت. طيب، حمزة عثمان نسيتم؟ محمد أبو ماما؟ لا، يعلى. أبو يعلى؟ قيل أبو يعلى. Certains ont dit que sa cunia c'était Abu Ya'la. Mais la cunia la plus répandue c'était Abu Ammara. Abu Ammara. Hamza ibn Abd al-Muttalib. Asadullah wa Rasulah. Alayhi salatu wa salam. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. لا، on va voir un nouvel attribut parmi les attributs d'Allah qui n'est autre que l'attribut de la volonté, al-mashi'a wal-irada, l'attribut de la volonté. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose fi hadhihi dunya illa wa qad aradahu Allah, imma iradatan kawniyya ou iradatan shar'iyya. Et donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique que la volonté d'Allah se divise en deux. La volonté d'Allah se divise en deux. Une volonté qui est purement et simplement universelle. Une volonté qui est purement et simplement universelle. Et c'est celle qui est obligée d'être appliquée. C'est celle qui est obligée d'être appliquée et qui ne va pas forcément dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Hein? Si ce n'est pas clair, vous me dites. Hein? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la volonté universelle, kawniyya. C'est-à-dire, c'est celle qui est obligée d'avoir lieu. Même si ce n'est pas forcément, ça ne concerne pas forcément des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tamam. وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء أو يفعل ما يريد. Comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si Allah voulait, et si Allah l'aurait voulu, il ne se serait pas entretué. Cependant, Allah fait ce qu'il veut. وفي الآية الأخرى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Et si Allah voulait vous égarer, c'est lui votre Seigneur et c'est vers lui que vous reviendrez. Donc ça, c'est la volonté d'Allah qu'on qualifie, comment il y a Khouad ? On qualifie Kouniya. Kouniya, c'est-à-dire universel. Qu'est-ce que ça sous-entend la volonté universelle, il y a Khouad ? Hamza ? Fa'alun lima yurid, mais encore. Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est une volonté. C'est une volonté qui est obligée d'avoir lieu. C'est une volonté qui est obligée d'avoir lieu et qui ne concerne pas forcément les choses qu'Allah aime. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Donc ça, c'est la volonté kouniya. Amma shar'iyya. لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. Et la deuxième type de volonté, c'est la volonté qualifiée de légiférer, la volonté légiférer. Et cette volonté, elle n'est pas obligée de voir le jour. Elle n'est pas obligée d'avoir lieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut cette chose-là, mais ce n'est pas une obligation que cette chose-là ait lieu. Tamam. Par contre, cette volonté-là, elle ne concerne que les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Elle ne concerne que les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, Allah veut vous pardonner. Allah veut vous pardonner vos péchés. Non. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à tout le monde ? Non. Il ne va pas pardonner à tout le monde, bila shak. Anna al-kuffar wal-mushrikin la maghfirata lahum. بل هم في النار خالدا أو خالدين مخلدين. Donc vous retenez qu'il y a deux types de d'irada. Donc là, le fait que Adam a désobéi à Allah Azza wa Jal et à manger du fruit, le fruit défendu, ça rentre dans quel type de volonté, Younous? Kouniya, la volonté universelle. C'est une volonté qui est obligée d'être appliquée, même si elle ne comprend pas forcément une chose qu'Allah aime. Taïb. La foi de Abu Bakr, le fait que Abu Bakr a cru en Allah et en son messager. Ça, c'est en lien avec quel type de volonté parmi les volontés d'Allah ? Ah. Abdelhakim. Allah alam. Non. Ilyas. Allah alam. Qasim. Allah alam. Tayyib. Ah, Mohamed. Les deux. Ahsan. Lillahi dharr. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Abu Bakr plutôt croit en Allah et en son messager, il n'a pas cru si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il croit. La volonté d'Allah en ce qui concerne la foi d'Abu Bakr, elle est à la fois kouniya et à la fois shar'iya. Elle est kouniya, pourquoi ya Ikhwan ? Pourquoi ya Salim ? Pourquoi on dit qu'elle est kouniya ? Hein ? Allah alam ? Ah, Abdallah. Pourquoi on dit qu'elle est kouniya ? Hein ? Mais encore, hein, Leïs. Pourquoi on dit que, comme a dit Mohamed, elle est à la fois kouniya et à la fois shari'iya. Le fait qu'Abu Bakr croit en Allah, c'est Allah qui a voulu ça. Et cette volonté, là, elle est de deux types. En ce qui concerne Abu Bakr, elle est de deux types. Shari'iya ou kouniya. Donc là, je vous demande pourquoi on dit qu'elle est shari'iya d'un côté et pourquoi on dit qu'elle est aussi kouniya. Hi, Mohamed. Hey. Kharij al-Nas. Pourquoi tu m'as dit qu'elle est à la fois kouniya et à la fois shari'iya? On a sharf à ça. Hein? يا اخوان الذين درسوا معي العقيده ما نقبل منهم تعتع في مثل هذه المسائل ها عثمان لله يضرك كونيه باسكو نادي كي لا كونيه سي سيل كي الي اوبليجي دافوار ليو دونك تو سو كي سباس سي اون ليان افيك الكونيه. Maintenant, elle est shari'a aussi, parce que c'est une chose qu'Allah aime. Le fait qu'Abu Bakr ait foi, c'est une chose qu'Allah aime. Ça veut dire qu'elle est kouniya, parce qu'elle est effective, elle est arrivée, et elle est à la fois shari'a, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça. Tandis que la désobéissance de Adam, elle est purement et simplement kouniya, et pas shari'a, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas qu'on lui désobéisse. Ma faux? C'est compris ça la dernière fois? Ça y est. Ça y est. Si c'est pas compris, n'hésitez pas à y apprendre. C'est vrai que là, on. Avec l'exemple, je pense que ça sera compris. Un autre exemple. Mala. Abu Lahab. La mécréance d'Abu Lahab. Hein, la mécréance d'Abu Lahab. Ça concerne quel type de volonté d'Allah Azza wa Jal? C'est Allah qui a voulu que Abu Lahab soit mécréant. C'est quelle volonté d'Allah qui est concernée par cela, Yahusam? Al-Kawniya. Et Shari'iya? Pas Shari'iya. Naam. Ahsantum. Taïb. Mada. Le fait que tout le monde croit, ça aurait été. Voilà, Taïb, Ahsant, Yasma. Taïb. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yuridu Allah bikum al-usr, yuridu bikum al-usr. Taïb. Hein? La yuridu, hein? Yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Tayyib. Hadha hal ya'ummu jami' an-nas? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut la facilité pour toute la création? Yani Allah, dans ce verset, il dit qu'il veut la facilité. Il veut pour vous la facilité. Est-ce que là, la volonté d'Allah, c'est elle est kouniya ou shari'iya? Hajj Habib. طيب. لكن الآن هل هي شرعية إرادة شرعية أم كونية؟ ما عنديش تحديد للمفاهيم هل هي كونية أي طيب طيب خير إن شاء الله إن شاء الله ولدك يفهمك إن شاء الله طيب تجي كي يجاوب على هذه السؤال le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut la facilité pour tout le monde. Hein? Est-ce que ça concerne? Est-ce que la volonté d'Allah dans ce verset, elle est kawniya ou shar'iya? Aïnda Kessali. Elle est kawniya. Taïb. Si tu me dis qu'elle est kawniya, ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut la facilité pour toute la création. Or, on a d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala il nous affirme que pour certaines créatures, par exemple, pour certaines de ces créatures, il veut pour eux des difficultés graduelles. Tamam, min al-kuffar, wa ma ila dhalik. طيب فإذا هي شرعية لأنه ييسر لمن يشاء ويعسر لمن يشاء أي نعم هي شرعية بمعنى أنه يحب ذلك لكن لا يلزم وقوعها على الجميع فهمتم هذا سبون سيكون فيها صعب شوية ولا يا سهل لكم يا شيخ حبيب سهل لكم لكن إن شاء الله على انفراد نتحدث طيب على كل حال قال الشيخ العثيمين ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك نعم donc là Cheikh Al-Uthaymeen dit que et on se doit de croire que la volonté d'Allah Azza wa Jal peu importe qu'elle soit universelle ou qu'elle soit légiférée kawniya ou shar'iya elle découle d'une sagesse. Elle découle d'une sagesse. Donc toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée, que ce soit d'une manière universelle ou shar'iyya, légiférée, cela ne fait que de suivre une extrême sagesse, que l'on connaisse la sagesse ou non. Que l'on la connaisse ou non. طيب هناك مسألة الشر من خالقه le mal les mauvaises choses c'est qui les crée ces choses là le mal hein Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas hésiter là-dessus. Huwa khaliqul khair wa khaliqul shar. Lakin la nunsib al-shar ila Allah, limadha? Mais pourquoi on n'attribue pas le mal à Allah Azza wa Jal? Tout en sachant que le mal ne touche ou ne descend sur une créature sans la permission d'Allah. Et sans que sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les crée. Donc pourquoi on n'attribue pas le mal à Allah azza wa jalla? Parce que nous on voit que c'est un mal, mais en fait ça soit un bien pour nous, soit pour nous faire part de les déchets, de les trouver. Ahsante. Parce que déjà le mal, c'est pas un mal pur et simple. Il y a du bien dans cela. Par exemple, la désobéissance de Adam, c'est un mal. C'est Allah qui a créé ce mal-là. Mais on ne dit pas on n'attribue pas le mal à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que de un, c'est pas un mal pur, pur et simple. Et que derrière tout ça, il y a énormément de biens qui ont découlé. Tamam? Donc, pour nous qui subissons cela, c'est un mal. Mais pour Allah Azza wa Jal, qui l'a créé, c'est pas un mal, parce que de par cela, il différencie entre les croyants et les mécréants. Il différencie entre les patients et les non-patients. Wa hakala. Fahimtum? C'est clair ça aussi ou la... Je répète. Hein, Abdallah? Non, non. C'est par rapport à ça a amené que Adam fasse tawbah. Eh ouais, pareil, ça a amené le tawbah de Adam. Wa kadhalik, on n'attribue pas à Allah Azza wa Jal le mal d'une manière. En fait, c'est aussi par. En guise de bon comportement envers lui. Qu'on ne lui attribue, que l'on lui attribue pas le mal. Et Shaitan, dans le mal qui nous arrive, il a un rôle. Shaitan, dans le mal qui nous arrive, il a un rôle, c'est une cause. Mais qui a créé cette cause? Allah. Azzawajal. C'est Allah qui lui a permis et c'est Allah qui l'a décrété. Donc Shaitan, bilachak, il a une part dans le mal qui nous arrive, ou dans les malheurs et dans les péchés. Enfin, quand je dis dans les malheurs, c'est en dehors de ce qui est propre au qadar. Parce que si tu perds un proche, ou si tu tombes malade, ou ça, c'est Shaitan, il n'a pas de part là-dedans. Ça, c'est purement et simplement venant d'Allah Azza wa Jal. Tamam? Ala kulli hal, ce genre de fawaid, elles font naître dans le cœur du croyant le contentement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et l'agrément d'Allah azza wa jal, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. Si tu as le yaqeen que Allah subhanahu wa ta'ala qadara wa qada alayka ma anta fihi li hikmatin baligha, فتستريح وتطمئن وتحسن الظن بربك. Si tu as la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il a écrit pour toi, cela ne fait que suivre une sagesse implacable, alors tu te dois de t'apaiser et de te tranquilliser, peu importe ta situation. Peu importe ta situation. Tu sais que c'est pour une sagesse implacable qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé de ceci ou de cela. Et c'est pourquoi ba'du as-salaf kanu yaqulun madha. On a cessé, certains salaf avaient l'habitude de dire, on a cessé de s'inquiéter sur notre subsistance lorsqu'on a appris à connaître Allah Azza wa Jal. لأنه هو الحكيم العليم الخبير والحكمة هو وضع الأشياء في مواضعها في مواضعها. Et la sagesse n'est autre que le fait de placer les choses à leur place. فبمثل هذه الدروس في الحقيقة تتحقق أو يتحقق ركن من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.